Boule de Mike Bartlett. T'as un truc là. Quoi? Non, là, de l'autre côté. Là? Non, il est encore là. Et là? C'est parti? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Non mais regarde-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un coup sur la jambe droite, un coup sur la gauche. Arrête. Tu tiens pas en place, calme-toi. Je suis calme. Je bouge pas. Là, oui. Mais avant, on aurait dit un mongol dans un magasin de bonbons. Fous-moi la paix. Je suis pas du tout stressé. Ah, rien te stresse. C'est un jour comme les autres. Rien de particulier. Une réunion comme les autres. Pas de quoi se mettre dans tous ces états. Là, tu te mets dans tous tes états. C'est un homme, c'est tout. J'imagine. Qui doit faire son boulot. Tu l'as mis exprès? De quoi? Ton costume? Bah oui, je l'ai mis exprès. Je l'ai pas mis par hasard. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que ton costume fait cheap. Ah ouais? Mais je l'ai pas mis pour toi. Non, je pense que tu l'as mis parce que tu crois que c'est ton plus beau costume. Mais moi, je pense que l'autre, celui que tu portes tous les jours, il est mieux. T'es vraiment une garce. Mais. Eh. Tout ce que je dis, vu qu'on poirote et qu'il faut bien faire la causette, c'est que ton costume n'est pas aussi génial que tu le penses. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. Ton costume, que ça te plaise ou non, est un sujet de conversation. Je suis pas une garce. Déjà, tu devrais me remercier de faire la conversation. Tu m'as jamais apprécié. Mais d'où ça sort, ça? Alors, vous êtes prêts? On n'en a pas l'air, question à la con. Il va porter ce costume? Mais putain! Oui! Parle-moi. Je suis là. Regarde. Pourquoi il n'a pas mis son plus beau costume? C'est ce que je disais. C'est celui-là, mon plus beau costume. Ah d'accord. Moi non? Tu vois? Faut que tu l'acceptes. Je me fous pas de ta gueule. Ton costume va te desservir. Même Tony, il est d'accord. Alors. Très bien, la prochaine fois, je ferai zéro effort. À mon avis, il n'y aura pas de prochaine fois. Pas pour toi. Hé, attends. Pour moi, ton costume, c'est une bonne nouvelle. C'est exactement le costume que je voulais que tu portes. Comme ça, j'ai l'avantage sur toi avant même qu'on ait commencé. J'essayais juste d'être sympa. Il devrait être là. Vous avez de ses nouvelles? Quoi? On est dans la même pièce. T'as très bien entendu ce que je viens de dire. Pourquoi tu dis quoi? Quoi? J'ai demandé si vous aviez de ces nouvelles, et au lieu de me répondre, tu fais « Quoi ?» C'est pas parce que tu m'as pas entendu, c'est parce que tu méprises ma question. Quoi? Je pourrais te frapper, des fois. Pourquoi il m'aurait appelé? C'est toi, le team leader. Officiellement, en tout cas. Officiellement? Aïe, je suis vexé. Il connaît l'heure de notre réunion, pourquoi il appellerait? Il est toujours à l'heure, il sait qu'on sera là, c'est pour ça que je comprends pas ta question. D'où mon quoi? C'est pas parti. De quoi? Le truc. Juste. Où ça? Je croyais que t'avais dit que c'était. Ouais, mais en fait, c'est. T'as un miroir? Désolé. Ouais. Moi non plus, si je te ressemblais, je n'en aurais pas. Un compliment, merci. Je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Il y a un miroir dans les toilettes. Thomas, tu sais où sont les toilettes? Ouais, mais j'ai pas envie de sortir, tu comprends? Au cas où il débarquerait quand je serais pas là. Donc. Ok, pas de souci. Pas de souci. Mais je crois vraiment que tu devrais jeter un œil. Pas vrai? Ouais. Je veux dire, c'est... C'est vraiment... Non? Si, mec. Conseil de pote, c'est... Ok. J'ai pigé. Vous vous foutez de ma gueule? Non, je te jure que non. Je le jure. Sur ta tête. Sur ta tête, c'est le cas de le dire. T'es vraiment pas sexy, je voulais te le dire. Faut que tu le saches. Merci Thomas, mais ton avis n'a pas la moindre importance. Un vrai glaçon. Je pourrais t'emmener dans un hôtel à la campagne, te foutre devant un feu de cheminée toute la nuit, et je peux te jurer que tu serais toujours aussi froide que tu l'es, là. Glaciale, dure, coincée. Coincée. Isobel. Il a dit coincée. Je sais, c'est bizarre de dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par coincée? Coincée? Du cul. Tendu. Comme si tu gardais tout à l'intérieur. Coincée. Coincée. Continue. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un avait envie de te baiser, Isobel, ce qui est fort peu probable, on frapperait à ta porte, toc toc toc, mais il n'y a personne, hein? Il n'y a personne dans ce rayon. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que la porte est fermée que tu sais même pas si elle s'ouvre encore. Tu sais peut-être même pas où elle se trouve, la porte. Putain, Tony, mais qu'est-ce qu'il sous-entend? J'ai l'impression que c'est une sorte de métaphore, mais... Tu sais ce que je t'ai dit sur ton costume? Oui. Je t'ai chambré. Je vois. J'ai entendu votre conversation derrière la porte. J'ai entendu de quoi vous parliez. Ok. Je me suis dit que ce serait marrant d'être de la partie. Ok. Donc, mon costume... Ton costume, ça va. Et j'ai un truc sur la tête? Ouais, par contre, ça c'est vrai. Mais à droite. Non, à droite. Non. Désolé, mec, ça part pas. C'est assez perturbant. T'es né où? Quoi? Tu m'as entendu? Ou c'était du mépris? Du mépris. Alors? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi t'es si cachotier? Je suis pas cachotier, je fais gaffe. Je fais gaffe avec vous. Vu ce que vous faites. Vu ce qu'on fait, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je fais la conversation, là. C'est tout. Je pose une question, tout ce qu'il y a de plus simple. Question de base, c'est le genre de choses qu'on dit. Et pourtant, toujours pas le moindre signe d'une réponse de ta part. Ah, si? Non? Toujours pas de... signe. T'es planté là comme un mouton effarouché. Ringwood. Comment? C'est là que je suis né. Ringwood. C'est ça. C'est dans la New Forest, ça, non? Pourquoi? Pourquoi c'est dans la New Forest, ça, j'en sais rien. Non, pourquoi tu demandes où je suis né? Il faisait quoi, ton père? Pourquoi tu me poses toutes ces questions tout d'un coup? Vous êtes vraiment deux pourritures, tous les deux. Ça fait, quoi, une minute que je dis plus rien? Il faisait quoi? Ton père? Je te le dirai pas. Pourquoi? C'est gênant. J'ai pas l'habitude de déballer ma vie, alors pourquoi je vous le dirai à tous les deux? Vous l'utiliseriez contre moi? Contre toi? Mais Thomas, arrête, ça veut dire quoi ça, putain? On fait la conversation, c'est tout, on discute, c'est sympa de notre part. C'est ce que je lui disais. Tu prends tout tellement au sérieux, merde. Si tu préfères, on peut tous se taire aussi. Il était prof de maths. Prof de maths? Quoi? C'est drôle. Et le tien, il faisait quoi? Il est chirurgien. Comment ça? Il exerce encore? Ouais. Des mains nickel. Solide comme un roc. Il doit être poivre et sel maintenant. Les infirmières en sont folles. Il me raconte de ses histoires quand on va au pub ou quand on sort. Il est en pleine forme. Il est resté super jeune. Il me raconte de ses trucs quand on joue au golf ensemble. Mais le tien, t'as dit qu'il était prof de maths. Était, ça veut dire qu'il est plus vieux que le mien. T'as dit qu'il était plus prof de maths, donc il est quoi, à la retraite? Mort. Oh. Ah. Désolé. J'ai vraiment pas envie d'en parler. De quoi il est mort? Les maths? Non, parce que je déteste les maths. Et toi, ton père, il faisait quoi? Moi. Quoi? Il me faisait, moi. Il me violait. Je crois pas un mot de ce que tu dis. Comme c'est charmant. Merci, Thomas. Tu vois, je te livre un truc, un secret qui est en fait assez personnel, tu vois. Et toi, tu... Si c'était vrai, t'en parlerais pas comme ça, genre, j'ai été violée. Tu serais plus... Plus quoi? Tu voudrais que j'ai honte? Tu me dis comment je devrais me comporter? T'es qu'une sale menteuse. Tu veux que je le cache? Toi, tu sais si c'est vrai? Quoi? Ça? Ouais, je sais si c'est vrai. Et? Tu manques de tact. Quand elle était gamine, son père venait dans sa chambre pour lui faire des trucs. Elle te racontera les détails si tu veux. Et crois-moi, tu veux pas. À moi, elle m'a tout dit. Quand elle me l'a raconté, ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Pas de tristesse. De douleur, Thomas. Une douleur insoutenable. Bon. D'accord. Alors si c'est vrai, je suis vraiment, vraiment désolé. Crois-moi. Ça a dû être horrible, Isobel. Je t'enverrai un bouquet de fleurs. Mais admettons que ce ne soit pas des grosses conneries. Je ne vois pas pourquoi tu sortirais ça si ce n'est pour t'en servir. M'en servir? Ouais. Pardon, mais je vais devoir sortir, là. C'est bon, je te crois, ça te va? Si ça te fait plaisir. Peut-être que maintenant tu comprends pourquoi ta remarque de tout à l'heure sur mon côté coincé était légèrement blessante. Si je suis coincée, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça t'excuse pas d'être une garce? Tu me traites toujours de garce, mais à lui, tu lui dis rien. Mon père n'est pas chirurgien, Thomas. Il est percepteur. Il n'est pas du tout resté jeune. Il passe le plus clair de son temps dans un fauteuil roulant. On se parle à peine. Tu vois? Tu vois? Il te fait marcher et toi, tu t'écrases. Sois un homme, bordel, avec des couilles. Et alors peut-être que quelqu'un te trouvera attirant. Enfin, Thomas, peut-être même que tout d'un coup, t'arriveras un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à en imposer. Et peut-être qu'ils te garderont. J'ai pas besoin de conseils. Arrête de regarder par terre, de t'agiter comme un pingouin mongolien. Te cure pas les dents, te voûte pas, tiens-lui tête, tiens-toi droit, souris un peu. On sait jamais, tu gagneras peut-être. On sait bien que non. Mais peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, il y a de ça longtemps, j'ai dû vous faire quelque chose à tous les deux. Qui vous a foutu les boules? Non. Et après, vous avez décidé de foutre ma vie? Non, ce jour-là n'a jamais existé. Tu remets ça. Écoute, mon vieux, elle et moi, on est des gens tout ce qu'il y a de plus normal. Honnêtement, c'est pas un truc contre toi, faut que tu comprennes ça. T'es persuadé qu'on s'acharne contre toi, mais c'est faux. C'est archi faux, je te jure. Vraiment. Je te jure. C'est de la paranoïa. De la paranoïa, bien sûr. Est-ce qu'il y a des antécédents de maladie mentale dans ta famille? Eh ben... Oui? Ma mère est morte d'Alzheimer. C'est tordu. Quoi? D'inventer ça. Parce qu'inventer une histoire d'abus sexuel, ça l'est pas, peut-être. Je l'ai pas inventé. Mais Alzheimer, là... Quoi? S'il te plaît. Comment t'as deviné? Ton sourcil droit, il saute. Ça s'aggrave quand tu mens. Comme le nez de Pinocchio, mais en plus chelou. Apparemment, avec les derniers qui ont eu à faire ça, ils ont bu des coups. Il leur a posé des questions. Ils ont continué à boire des coups et lui a posé des questions. Il est de la vieille école pour ça, tu vois. Il respecte ceux qui tiennent l'alcool, qui peuvent allier travail et plaisir, parce que pour lui, c'est comme ça qu'on bosse vraiment. Donc c'est comme ça qu'il aime choisir. Il appelle ça faire son désherbage. Vraiment? Ah mais tu bois pas, toi? Comme si t'avais oublié. Je suis sûr qu'il t'en voudra pas si tu participes pas. Bien sûr que si, il m'en voudra. Si c'est ça l'évaluation. Si c'est comme ça qu'il décide, bien sûr qu'il... Et tu boirais si c'était sa façon de choisir? S'il procédait vraiment comme ça, tu sacrifierais tes valeurs pour rester ici? Ouais, bien sûr, c'est pas... Alors, tout ce chichi autour de l'alcool, c'est... Non, j'ai jamais bu, je préfère pas. C'est pas du chichi. Mais si j'avais pas le choix... Ouais, mais si t'as jamais bu et que tu te mets à boire, même un seul verre, tu seras bourré en moins de deux, ça sera le bordel. Non, franchement, Thomas, il ferait mieux de dire « Désolé, monsieur, mais je ne bois pas. » T'as une chérie? Je viens de comprendre. Non, hein? Tout ce que je croyais savoir sur vous, vous avez très bien pu l'inventer. Possible, ouais. Par exemple, moi je crois que tu vis dans un appart au dernier étage dans le centre-ville, que t'as une Porsche garée dans ton parking, c'est ton oncle qui te l'a offerte, que ta petite amie s'appelle Cindy, elle vit à Paris, elle est mannequin, t'as fait des études d'architecte, t'es une star internationale du poker, t'es pompier à temps partiel, et à 5 ans t'as passé ton brevet de pilote d'avion, mais maintenant que je dis tout ça à voix haute, ça me paraît... peu probable. Hein? T'es bizarrement proportionné, Thomas. Physiquement, je veux dire. Et toi? Toi aussi? Tu pourrais être n'importe qui. Je t'ai posé une question, Thomas. Laquelle? Une chérie. Pourquoi? Tu fais ta demande? Non, je ne faisais pas ma demande. Tu sais quelque chose? Quelque chose? Quoi? On dirait que... Si tu... je savais quelque chose, pourquoi je demanderais? Non. J'ai pas de chérie. Ouais, je vois pas le genre de fille qui voudrait. T'as imprimé tes chiffres de vente? Je... Non. Ok. Quoi? Rien. Toi, oui? Bien sûr. Tu crois qu'il va vouloir avoir les chiffres de vente? C'est possible, non, vu la teneur de la réunion? Probable, je dirais. Toi aussi? Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as préparé? Je pensais que c'était une réunion informelle, c'est tout. Ah bon? Ah bon? Écoute, Thomas. Non seulement tous les deux, on a imprimé nos chiffres de vente individuels et collectifs, mais en plus, on a rédigé un rapport sur ces 6 premiers mois. Tu vois? Pas toi. Quand est-ce que vous avez décidé de faire ça? Mardi, je crois. Mardi, c'est ça, on en a parlé. Je parle pas des dossiers, putain, mais qu'en bossant ensemble, vous seriez gardés et moi je serais viré. Tu crois qu'on a élaboré un plan? Qu'on s'est concerté, Isabelle et moi, à un moment donné, et qu'on s'est dit si on rabaisse ce nabo aux épaules toutes biscornues, si on flingue sa confiance en lui en permanence, il merdera et nous on gagnera. Parfaitement. Tu crois qu'on s'entend bien? Lui et moi? Je le déteste encore plus que toi. Oui, d'accord, t'es comme n'importe quel mec bizarrement foutu, tu parles trop, tu fais des gestes bizarres, t'aboies, c'est chiant, mais au fond, t'es inoffensif. Lui, par contre, c'est un putain de prédateur. Il frappe fort et vite. Il est d'un égoïsme, c'est hallucinant. Il fait des marathons pour pouvoir se taper les nanas des associations caritatives. D'ailleurs, il crève d'envie de coucher avec moi. Mais moi, je refuse. C'est pas que je veux pas, je veux dire. Mate un peu son torse. Il est bâti comme une armoire à glace. Tiens, on devrait faire ça d'ailleurs, lui montrer ton torse. Ça marche. Mais malheureusement pour moi... Et Tony, je ne peux pas coucher avec lui, à cause de mon problème dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, il s'est tapé ma copine Julie. Elle s'est fait prendre dans tous les sens du terme. Il l'a baratinée en lui racontant tout ce qu'il ressentait pour elle. Et puis il l'a quittée. Elle était verte, elle pensait avoir tiré le bon numéro. Le même mois, il m'a doublée sur la transaction Stratton. Tu te souviens, ce dossier sur lequel je bossais? Il l'a conclu dans mon dos. Ce mec est redoutable. Et tu devrais voir comment il me traite quand t'es pas là. Quand t'es pas là, lui et moi, on est comme un ours et un lion. Je m'en méfie comme de la peste. Et c'est une peste. On s'entend pas du tout. Allez, vas-y, montre-lui ton torse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Putain! Et si Carter arrive? Impossible. Il a appelé tout à l'heure pour dire qu'il aurait 20 minutes de retard. T'as dit qu'il n'avait pas appelé? Je t'ai demandé pourquoi il appellerait, j'ai pas dit qu'il n'avait pas appelé. Lève-toi. J'ai pas envie de voir ton torse, merde! Allez, allez, on se lève, hop, hop, hop, Isabelle, aide-le. Me touche pas, putain! Lève-toi ou on va devenir méchant. Vous êtes méchant. Vraiment méchant. Maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Une armoire à glace. Ça devrait être son nom. Tony Armoire à glace. Regarde. Pas un gramme de bonté. Un connard tout en muscles. Pas comme toi, hein, petit grassouillet. T'es bourré de bonnes choses, toi. Mais lui, c'est une autre espèce. Rien qui dépasse. Un vrai piranha. Touche. Pas question. Remets ta chemise. Touche, vas-y. Si je le touche, vous vous asseyez. Promis. Maintenant, pose toute ta main dessus. T'as dit... J'ai menti. Ok. Ok, cette fois-ci, tu poses toute ta main dessus. On se rassoit, c'est sûr, et on fout la paix. Promis. Hein? Ouais. Maintenant, colle ton visage. Ok, allez vous faire foutre, on n'est pas à l'école. Moi, je le fais. J'ai d'autres chats à fouetter, là. Pour vous, c'est peut-être rien aujourd'hui, mais moi... Hé, Thomas, c'est juste pour rire, on n'arrête pas de te le dire, détends-toi. Si je le fais, tu le feras après? Et après? On se rassoit tous? Ouais. Bon. Allez, vas-y, c'est ton tour. Non, en fait, non, je suis pas obligé de faire ça. C'était le deal. C'est n'importe quoi. Colle ton visage contre sa poitrine. C'est quoi ça, putain? C'est quoi ça, putain? Colle ton visage contre sa poitrine. Ah ouais, j'ai une idée. Si on jouait à colle ton visage contre sa poitrine. Non, non, ça suffit. Il a dit qu'il le ferait. Je sais. Et maintenant quoi? Tu te rétractes? Ouais, je me rétracte. Je suis vraiment désolé. Mes plus plates excuses. Elle a dit que si elle le faisait, tu le ferais. C'était ça le deal. Je me retire du deal. Tu peux pas. Ça fait. Tu peux pas. Bon, allez, il reste plus que 5 minutes maintenant avant qu'il arrive. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Il y a autre chose à part le fait qu'il a du retard? Est-ce qu'il y a d'autres infos que vous étiez censé... Thomas, c'est à toi qu'on parle. On n'a pas résolu notre problème, là. En tant que team leader, j'apprécie pas que mes collègues jouent au con entre eux, qu'ils fassent des promesses qu'ils ne tiennent pas. Alors viens là et mets ton visage contre ma poitrine. Arrête avec tout ça. Tu sais que j'en ai rien à foutre de ce baratin. Je suis pas sous tes ordres. Dans 1 minute, Carter va se pointer pour n'en garder que 2 d'entre nous et en virer un. Tu vas vraiment lui expliquer le problème? T'as envie de dire, Monsieur Carter, Isobel a accepté de mettre son visage contre ma poitrine à condition que Thomas fasse pareil. Et maintenant, il refuse. Si tu dis ça, t'auras l'air d'avoir 5 ans, non? Je suis vraiment étonnée. Je sais. On s'amusait, c'est tout. Il comprend pas, hein. Toi, je t'imagine bien à l'école. Tu devais être du genre jamais copain avec les autres. Toujours à l'écart. Celui qui veut direct dormir en voyage scolaire après l'extinction des feux. Qui s'énerve contre ceux qui continuent de parler. Qui est le seul à aller en cours de physique quand tout le monde sèche. C'est comme ça, je parie, hein? Ouais, je t'imagine bien. Dans ton uniforme scolaire. C'est le problème quand on est court sur pattes. On porte des culottes courtes toute sa vie. Je suis pas... Alors tu vas le faire ou pas? Vous voulez pas passer à autre chose? Je t'attends là. Non, je vais pas le faire. Incroyable. Quel bureau. Oh regarde, j'ai un miroir. Tu veux que je te le prête? Non. T'as tort. Vraiment. Parce que t'as toujours un truc. Ta gueule. Ta gueule, super, je vois. Pourquoi ton père t'a appelé Thomas? Il était chrétien? C'est pas un très joli prénom, non? Thomas. Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Thomas. Toi, tu t'en rends pas compte parce que la plupart des gens qui s'appellent Thomas sont appelés Tom, et Tom, ça va, c'est un prénom normal. Mais toi, tu veux qu'on t'appelle Thomas? Je trouve ça étonnant. Pourquoi tu veux pas de Tom? On m'a toujours appelé Thomas. À l'école? Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est plus... Plus... Je trouve ça mieux. Non, non, plus... Quoi? Plus... Plus distingué que Tom. Et distingué. Oh. Distingué. Tony, c'est ridicule comme prénom. Ça fait vieux. Vieux? Non. J'ai toujours aimé le prénom Tony. Merci. J'ai toujours aimé Isobel. Merci. J'ai toujours aimé Isobel. Tu me dragues? Pourquoi moi? Lui aussi, il a dit qu'il aimait bien. Mais lui, il me draguait. Alors? Au risque de te décevoir, c'est le prénom que j'aime bien, c'est tout. Ça existe, les produits contre la perte de cheveux, tu sais? Je perds pas mes cheveux. Ah, ok. Tony, j'ai parlé à Jessie à propos du truc, tu sais. À propos de la série Battlestar? Ouais, elle a dit que t'avais entièrement raison, mais qu'elle a sa propre théorie. N'importe qui peut avoir une théorie. Elle m'a dit de te dire qu'elle serait au Checkers ce soir pour en parler. Super. Tu viens aussi? Non, pas si tous les deux vous voulez être un peu... Mais non, arrête. C'est pas ce que tu crois. On est jeudi. Clangers est là, le jeudi. Clangers? Eh ouais. Putain, je l'adore, il est trop... Ah, pardon. C'est un mec, au pub. Ouais, le jeudi. Pourquoi tu... C'est vrai que tu bois pas, toi? C'est pour ça que t'es jamais venu avec nous? On ne m'a jamais rien dit. Quoi, pour le jeudi? Ouais, mais si, tout le monde est là, t'as dû entendre tout le monde en parler, non? Isobel, tu lui en as jamais parlé? Je pensais que tu l'avais fait. Ah. Oh non. Thomas. Je suis désolé. Ben, tu veux venir ce soir? Pourquoi tu me demandes? T'auras peut-être envie de noyer ton chagrin. Moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Parce qu'on va pas te garder. Ici, à ton poste. T'en sais rien. Je plaisante pas. Tu veux savoir ce qu'on sait tous les deux? Thomas? Tu veux savoir ce qu'on sait tous les deux? Seulement si c'est pertinent, oui. Dis-lui, toi, il te croira. Moi, il pense que je suis une garce. Isobel était dans le couloir il y a, quoi, 2 jours? Ouais. Ouais. De retour de la pause déj, elle est tombée sur M. Carter dans le couloir. Il lui a dit, ne vous en faites pas, soyez tranquille, ce genre de procédure, ça ne s'adresse pas aux gens comme vous. Donc, en gros, on sait que ça veut dire qu'elle n'a rien à craindre. Ouais. Donc après, je lui ai dit, eh bien, merci de me l'avoir dit, c'est un sacré soulagement, vous savez. Ouf. Et après, je lui ai dit, désolé, je sais que c'est une question culottée de ma part, mais avec qui je vais travailler? Des deux autres? Vous pouvez me le dire ou c'est top secret? Et il m'a répondu, bon, ne le dites à personne, mais ce ne sera pas le petit grassouillet. On est d'accord pour dire qu'il parlait de toi, je crois. Je ne suis pas petit. Si. Non, pas du tout. C'est l'impression que tu donnes. Il n'a pas pris de décision. Il ne te le dirait pas à toi. Et puis, il ne dirait pas ça. D'accord. Mais, il l'a dit. Donc... C'est pas son genre. J'essayais d'être gentille, de te prévenir, mais manifestement, tu ne veux rien savoir. Pas de souci. Si j'y croyais, si je croyais vraiment ce que tu dis, tu crois que je resterais dans les parages? Je me tirerais si je pensais avoir perdu. Justement, je pensais que tu sauvais la face. 2 ans que je suis ici. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça. Ça fait que 6 mois que je suis là et on me garde. Tu trouves ça normal? T'es au courant de rien. C'est juste une ruse pour te débarrasser de moi. Comme tu veux. Bonjour, bonjour. Monsieur Carter. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous dirais bien que je suis désolé d'être en retard, mais ce n'est pas le cas. Et puis, vous étiez au courant. J'ai dit à Tony de vous prévenir. Il a dû vous dire que mon planning a été chamboulé. Nous avons un problème, monsieur. C'est-à-dire? Nous avons eu un différend. Ah bon? À l'instant, en vous attendant. Ah? C'est sans importance. Pardon? Thomas, je te laisse expliquer. Non, vas-y, toi. Vaut mieux que tu racontes, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il jouait à un jeu stupide. Quel jeu? Tony a enlevé sa chemise. Isobel a dit, si je plaque mon visage contre sa poitrine, tu feras pareil. Et elle l'a fait. Mais moi, je ne voulais plus. Alors j'ai dit non. Et tous les deux, ils s'en sont pris à moi parce que j'étais revenu sur ma parole. Il n'y avait même pas de deal à la base. Pourquoi vous me parlez de ça? C'est Tony qui a abordé le sujet. Tony? Je crois qu'il y a un léger malentendu. Je me demandais si on était censé apporter des documents à l'appui aujourd'hui. C'est à cela que je faisais référence. Mais alors de quoi il parle? Désolé, j'en ai aucune idée. Isobel. Désolé. Thomas, tu dis qu'il a enlevé sa chemise et que quoi? Que j'ai plaqué mon visage contre lui? Ça ne fait rien, ça va, mais elle coule pas. Je croyais qu'on parlait d'autre chose. Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas de temps à perdre. À parler de n'importe quoi, je suis en retard. Et à la question, doit-on apporter des documents à l'appui? La réponse est bien sûr. Je vous l'avais dit, Tony. Et je vous avais demandé de transmettre l'information à tout le monde. Très bien. On ne m'a rien dit, monsieur. Vous n'avez aucun document? Non. Comment ça se fait? Je ne savais pas qu'on était censé les amener. Je pensais que c'était une discussion informelle. Tony, pourquoi vous ne lui avez pas dit? Mais je l'ai fait, monsieur. Je lui ai dit. Je lui ai même envoyé un mail. Je dois pouvoir le retrouver, si vous voulez. Non, non, c'est trop tard maintenant. Allons-y, il faudra vous débrouiller sans. Commencez déjà. Monsieur... Comment vous vous appelez? J'ai oublié. Thomas. Tom, c'est ça, Tom. Alors, est-ce que je peux jeter un œil à vos... Merci. Voulez-vous que je fasse un résumé? Comment? Voulez-vous que je vous dise ce que j'aurais... Non, non. Excellent, vous deux. Merci. Merci, monsieur. Ce n'est pas une chose facile, et vous le savez. Je suis sûr que vous en avez pleinement conscience. C'est toujours difficile quand on est contraint de réduire des effectifs, quand on est contraint de procéder à un abattage, si je puis m'exprimer ainsi. Et je crois que je le peux. Je pense même que c'est un bon terme pour décrire notre action. Nous procédons à un abattage sélectif pour sauver l'espèce, à savoir nous autres, de l'extinction. Bref, j'ai eu plusieurs réunions avec chaque équipe, en face à face. Je les ai questionnés afin de saisir au plus près, si je puis dire, qui devait partir. Vous comprenez? Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire cela en observant de simples graphiques ou chiffres de vente, aussi impressionnants soient-ils. Parce qu'au fond, vous deux... Trois. Comment? Rien. Au fond, nous sommes des êtres humains, non? Tous autant que nous sommes, et nous devons être traités comme des êtres humains. Absolument. Oui. Oui. Et non comme de simples produits. Et ça me sert aussi. Je vais me montrer franc dans cet entretien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Déjà, là, d'être en face à face, en personne, j'arrive à tirer plusieurs conclusions dont je vais vous faire part. Isobel utilise son physique avantageux pour compenser un certain manque de sécurité. Tony vient d'un milieu privilégié. Je le devine à sa façon de nouer sa cravate, à ses chaussures, à sa façon de m'adresser la parole. Il a l'habitude des professeurs. Il a fait sa scolarité dans le privé. Contrairement à... Comment vous vous appelez déjà? Thomas. Thomas, qui de toute évidence a fait ses études dans le public. C'est un garçon qui vient du public. Aucun problème avec ça. Absolument aucun problème avec ça. Mais quand il s'agit de la loi du plus fort, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de place pour les quotas. La discrimination positive, il est parti de rien ou je ne sais quoi encore. Tout ce qui compte, c'est la performance et la présentation. La présentation, c'est important. Vous pouvez me citer, ne vous gênez pas. Tom, vous avez une tache sur votre veste. Ah. Vous auriez dû mettre votre plus beau costume. Mais détendez-vous, je vous en prie, parfait. Je vais me servir un petit verre, vous n'avez rien contre? Non. Non. Je ne dis pas non, merci. Pardon? Je n'ai rien contre un verre. Ce n'était pas une proposition. Ah. Je ne vous proposais pas un verre. Vous êtes encore au travail. Moi, j'ai eu une dure matinée. Je peux me permettre de décompresser, mais vous... Vous vous battez pour garder votre job. Je ne vous proposais pas de vous saouler. Si c'est ce qu'il vous faut, Tom, un peu de courage, puisez dans la bouteille. Vous pouvez en prendre un si vous voulez, mais... Non, je disais... Non. Excusez-moi. Très bien. Bon, alors, votre équipe ne fonctionne pas. J'ai vu vos résultats. Vous êtes bons tous les trois quand vous travaillez seul, mais pas en équipe. Pourquoi ? Thomas. Oui, Thomas. Je vois. C'est à cause de lui, monsieur. On ne peut pas travailler avec lui. C'est lui qui doit partir, on est tous les deux d'accord là-dessus. Cette décision m'appartient. Cette décision vous appartient, absolument, monsieur. Mais nous connaissons tous les deux très bien Thomas, et on s'est dit qu'on vous ferait gagner du temps en vous faisant bénéficier de notre expérience. C'est difficile de travailler avec lui. Ses compétences niveau éloquence et apparence étant quasi inexistantes, il ne peut rien vendre à personne. Il arrive souvent au travail avec des pellicules, une mauvaise haleine, et non seulement ça rebute les clients, mais ça l'empêche, lui, de se concentrer sur ce qu'il a à faire. En plus, j'ai remarqué qu'il a un problème avec les femmes. Je crois que ça date de sa séparation il y a 6 mois. Depuis, il en veut profondément à la gente féminine. Il emploie souvent des termes sexistes. Et j'ai plus souvent l'impression d'être l'objet de ses fantasmes sexuels que sa collègue de travail. De savoir ça, ça me met très mal à l'aise en sa présence. Vous êtes mal à l'aise en ce moment ? Absolument, monsieur. Est-ce que je peux m'expliquer, monsieur ? Quand nous aurons fini, oui, il le faudra. En somme, c'est la brebis galeuse pour vous. En moyenne, 10% des employés ne donnent pas satisfaction. Et si la législation du travail en vigueur n'était pas ce qu'elle est, ces employés seraient remplacés sur le champ. À mon avis, l'un des rares avantages de la crise actuelle et des nombreux licenciements qu'elle entraîne, c'est qu'elle permet de supprimer le superflu. Et lui, c'est du superflu de première. Je ne vois aucune raison de continuer à l'employer si vous êtes dans l'obligation de réduire le personnel d'un tiers, ce qui est votre cas. À nous voir tous les trois devant vous, monsieur, il me semble que vous n'aurez aucun mal à prendre la bonne décision. Quels que soient vos critères, vous laisserez partir la bonne personne. Vous semblez d'accord sur le problème. On est objectif, monsieur. Il s'agit de travail et de chiffres de vente, c'est tout. C'est du harcèlement. Vous voyez, monsieur, c'est ce qu'on disait. La seule fois où il intervient, c'est tout de suite pour en faire une cause personnelle, alors que rien de ce qu'on a dit n'était personnel. Du harcèlement ? Oui. Il ne m'aime pas. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le travail. Ils disent qu'ils ne s'entendent pas avec vous. Je n'y suis pour rien. C'est-à-dire ? Il y a un truc entre eux et j'en fais pas partie. J'ai pas eu de chance de me retrouver avec eux. Peut-être qu'ils sont ensemble ou je sais pas. Je fais pas partie de leur clique. Mais ça saute aux yeux qu'il y a un truc entre eux. Donc tout ce qu'ils disent sur leur capacité à s'entendre avec moi, etc., n'est pas objectif. Et le travail en équipe est compromis parce qu'ils ne m'apprécient pas. Je suis là pour travailler, pas pour me faire des amis. Mais pour une raison qui m'échappe, ils se sentent obligés de me persécuter. Vous persécuter ? Et j'en ai marre. Je veux porter plainte officiellement pour harcèlement. Vous voulez porter plainte ? Oui, parfaitement. Je suis capable d'endurer jusqu'à un certain point, mais si on en arrive là, si ça détermine une décision aussi importante... Thomas, j'ai l'impression d'être un instituteur avec vous. Non, monsieur... Un babysitter qui doit vous protéger. Non, c'est pas... Vous êtes un adulte. Je sais. Défendez-vous tout seul. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, monsieur ? Vous voyez ? Je me suis défendu tout seul, mais... Pour moi, ça a toujours été aussi simple que ça. J'ai toujours su me défendre. Je ne me suis jamais laissé intimider ou distraire dans mon travail par des collègues. Je concentrais tous mes efforts vers un seul objectif. Mais ça, c'est vous, monsieur. Et moi, je suis moi. Et on est différents. Je fais des efforts, vraiment. Je suis loin d'être nul dans mon boulot. Seulement, je poignarde pas les gens dans le dos. Et c'est ce qu'ils font, d'après vous ? Oui. Je crois qu'au fond, ça les amuse. Ils veulent me faire du mal. Bon, écoutez, Thomas. Vous êtes conscient de ne pas vous rendre service en utilisant un tel langage émotionnel. À parler de couteau, de dos, ou je ne sais quoi encore. Ils ne m'ont pas l'air d'avoir envie de vous faire du mal. Pour moi, ce sont deux professionnels qui ne perdent pas leur temps, et peut-être que vous n'arrivez pas à suivre leur rythme. Mais si, j'y arrive. Mais pas si on m'attaque sans cesse. Non. Tous les jours, Quand je suis dans le train pour venir ici, tous les jours, j'y pense sans arrêt. J'angoisse parce que je ne sais pas ce qui va me tomber dessus quand je vais arriver ici, si je vais surprendre une conversation ou si... Tom. S'ils vont décider de me donner les bonnes informations. Il m'a rien dit pour le dossier aujourd'hui. Tom. J'aurais pu préparer les chiffres s'il me l'avait dit, mais... Putain ! Ils ont fait exprès de me laisser dans... Tom. Pardon. Bon. Cette équipe ne fonctionne pas, c'est clair. Pas la peine d'y passer plus de temps. Vous deux, vous êtes remarquables. Tom, eh bien, pour des raisons qui m'échappent, ça ne marche pas pour vous ici. Donc, nous allons vous laisser partir. Nous vous ferons parvenir une lettre officielle de licenciement, etc. Mais nous avons une politique qui vous permettra de partir dès que vous le souhaitez. Et dans votre cas, c'est préférable. Pauline aux ressources humaines vous donnera les détails de cette proposition, mais il me semble que le plus tôt sera le mieux, non? Je suis navré qu'on en soit arrivé là, mais c'est comme ça. Nous serons tous plus heureux, je crois. Oui, je crois. Oui. Je ne retrouverai pas de travail. Pardon? Vu la situation de nos jours, je ne retrouverai rien. Je ne serai pas plus heureux. Je veux rester. On ne dirait pas? C'est injuste. Je vous demande pardon. Je peux faire appel. Oui. C'est ça. Mais si vous gagnez et que vous restez, je ferai de votre vie un enfer, parce que je déteste qu'on me dise ce que je dois faire et ne pas faire. Et si vous perdez, ça figurera dans votre dossier. Ça entachera vos références. Donc oui, vous pouvez faire appel, si vous voulez. Ou vous pouvez juste partir. Sans faire de vagues. Bon. À plus tard. Rikiki. Ta gueule. Je parlais de l'entretien. L'entretien a été rikiki. Est-ce que tu peux être parano, Thomas? Je pensais qu'il poserait beaucoup plus de questions. Moi aussi. Mais je suppose que la décision a été super facile à prendre. Ouais, une évidence. C'était flagrant qu'il y en avait un de nous qui n'était pas à la hauteur. Désolé, Thomas. Désolé, mec. Sale coup, hein? Tu tiens coup? Peut-être que t'es plus dans le coup. Va te faire mettre. Ouh, aïe. Dommage. Ouais. On s'attendrait à un peu d'élégance. De la dignité. Après tout ce temps passé à travailler ensemble, entre collègues, on s'attendrait à ce qu'ils comprennent qu'au fond tout cela est juste. Que ça n'a rien de personnel. C'est comme ça. On s'attendrait à ce qu'ils ne nous en veuillent pas. Et même qu'après tout ce temps, peut-être qu'on se prendrait dans les bras. Tu sais, comme dans The Apprentice, quand l'un d'entre eux se fait jeter. Ils se prennent dans les bras de temps en temps. Non ? Ça se tente, non? Thomas? Allez, un petit câlin. Allez. Viens là. Va te faire. Allez. T'en as envie. C'est vrai. Voilà. C'est mieux. Non? Là. Bon, allez, je me casse. J'ai de la paperasse à faire cet après-midi. Ça te dérange pas si je te laisse avec eux? Non, vas-y. Je suis parfaitement capable de... Finir le boulot? Ok, parfait. Bon. À plus, Thomas. J'espère que tu vas vite retrouver un boulot. Je suis sûr. Je suis sûr que tu vas... trouver quelque chose. Quelque chose... Je suis sûr que tu vas finir par trouver. Même toi... Tu vas trouver quelque chose. Je veux dire, il reste des jobs dont personne ne... t'en accrochera bien. Si t'as besoin de... Thomas, t'as un truc? Ouais. Je suis sérieux. Ouais, merci. Je sais. Bon. Là, à droite. T'as un truc. Laisse tomber. Tu me fais de la peine. Ça va, tu peux partir. Non, Thomas, j'ai vraiment de la peine pour toi. C'est vrai, je te promets. C'est vrai, je ressens de la peine. Là, maintenant. T'as un enfant, toi ? Oui. Je le sais. Alors ? Alors tu peux me le dire ? T'as un enfant ? Ouais. Ouais. C'est dur. Il s'appelle comment ? Harry ? Harry, c'est ça. Je sais que c'est ça. Tu sais comment je le sais? C'est parce qu'un jour, en sortant du boulot, je marchais derrière toi. Tu descendais la rue. Je te regardais, t'étais devant moi. T'as retrouvé une femme dans un café. Pas un très joli café. Ça m'a surprise d'ailleurs que tu rentres là-dedans. C'était un Starbucks, un truc dans le genre... Même pas un joli Starbucks, un Starbucks pourri. Je t'ai regardé dire bonjour à cette femme. Elle avait un tout petit bout de chou avec elle. J'ai attendu, puis je t'ai vu filer aux toilettes. Alors je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai dit « Ah, je pensais le croiser ». J'ai fait semblant d'être pressée. Et j'ai discuté un peu avec Marion. Elle s'appelle bien comme ça, ton ex. Alors elle m'a parlé d'Harry. J'ai dit que j'étais une collègue de bureau. Tu restais des plombes aux toilettes. On en a même parlé. On s'est demandé ce que tu foutais là-dedans. Mais du coup, on a bien parlé de toi. Et au final, comme tu sortais toujours pas de là, j'ai dit que je devais filer, que je te verrais le lendemain de toute façon. Mais cette conversation avec elle m'a fourni des informations capitales. C'est pour ça que j'ai toujours su quand t'essayais de cacher des trucs ou de mentir. J'ai toujours su des trucs sur ta vie que tu ne savais pas que je savais. Je sais que chaque mois, tu dois verser une certaine somme d'argent à Marion. Et quand elle apprendra que t'es au chômage... Le peu d'estime qu'elle a pour toi va carrément chuter, ça je peux te l'assurer. Elle sera pas surprise, c'est ça le drame pour toi. Elle va pas dire « Oh non, c'est pas vrai, il a perdu son boulot, oh non ». Elle va dire « Mais bien sûr qu'il a perdu son boulot, ce gros demeuré. Heureusement, je me suis tirée à temps. Mieux vaut qu'il ne voit pas trop Harry, je ne veux pas que le petit grandisse avec l'image déformée de ce bon à rien, cette lopette, lopette de père. » C'est ça qu'elle va penser. C'est dur la vie, hein ? Est-ce que c'est beaucoup plus dur que ce que tu avais imaginé ? Je suis sûre que tu pensais que ce serait difficile, mais que par la seule force du travail, en t'entraînant, en te formant pendant des heures avec de l'inspiration et dans ton cas de la transpiration, tu finirais par t'en sortir et par réussir. Parce que tu te disais que ce pays, au moins, était une méritocratie. Et qu'être honnête, fair-play et transparent au travail, ça finirait par payer. Que les méchants comme moi finiraient au bord de la route et que les bonnes personnes comme toi triompheraient. C'est ce que tu pensais, hein ? Oups. Tu ressens pas de culpabilité ? De la culpabilité ? Non. De la peine, oui. Mais de la culpabilité. Tu ne ressens aucune... Non. Je ne ressens rien de tel. Parce que je sais au fond de moi que si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre te ferait ça. Je sais en mon fort intérieur que c'est toi qui provoques ça, en fait. Je ne me comporte pas comme ça avec la plupart des gens. La plupart des gens, je les laisse vivre leur vie. Je les taquine un peu. Mais avec toi, bizarrement, je ressens le besoin de t'humilier. Je crois que c'est la société ou la culture qui veut ça. Si on voit quelqu'un qui est sur le point d'entraîner avec lui le reste de la tribu, quelqu'un qui va foutre tout le monde dans la merde parce qu'il est débile, lent, mou, maigre, court sur pattes, laid ou qu'il a des pellicules, on a envie là, au plus profond de soi, de le démolir le premier. De se débarrasser de lui pour renforcer la tribu. Et c'est ce que je fais, c'est tout. C'est pour ça que je suis tout le temps attirée par toi, étrangement. Que je te cherche... Je te cherche, je te cherche, je te cherche, je te cherche, je te cherche et que je suis ignoble avec toi. T'as raison, Tony et moi on est ignoble avec toi, t'as pas idée, c'est clair. Mais c'est ça, c'est l'instinct, ça se passe tout le temps comme ça, partout. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Je pense aussi que tu vas pas beaucoup voir ton fils grandir. Parce que tu avais raison quand tu as dit à Carter que tu retrouverais pas un boulot facilement. Déjà que celui-là, tu as eu du mal à le décrocher. Le prochain, tu sais que ça va être galère. Et puis, t'es pas du genre à avoir plein de potes, non? Alors, tout à l'heure, tu vas rentrer chez toi tout seul. Tu vas appeler ta maman ou ton meilleur ami pour leur raconter ce qui s'est passé. Ils vont compatir un petit peu, mais eux non plus, ils seront pas surpris. Et puis, ils seront pas contents parce que ça va leur faire un souci de plus à gérer. Mon incapable de fils qui ne peut pas garder son boulot. Mon meilleur pote que j'ai rencontré sur les bancs de l'école, SDF, au fond du gouffre. Oh là ! Oh là, c'était des coups, ça ! Eh, t'as failli me frapper physiquement. Violence physique contre une femme. T'as du bol que je prends des cours de self-défense. T'aurais pu me faire mal. Heureusement que je suis souple et hyper intelligente. Va te faire. Essaie encore de me frapper. Non, raté. Encore. Raté. Je suis comme une chatte. Je bondis, je saute, une vraie gymnaste soviétique. Je suis vraiment parfaite dans mon corps et dans ma tête. T'as déjà remarqué ça? Que les gens avec des corps bien bâtis, en super forme physique, ont l'esprit qui va avec? Toi, ton cerveau, il est rabougri et rikiki. Encore raté. Encore. Et encore. Déjà fatigué? Laisse-moi tranquille. Un dernier essai. Vas-y. Ok. Ok. Ouh. Aïe. Attention. Aïe. Ça va? Ah. Bon, écoute, je vais te laisser là, d'accord, mais attends. Avant que je parte. Tiens, on s'est cotisé ce matin au bureau, on t'a pris ça. Du whisky single malt, de l'Islay. On sentait que c'était toi qui allais partir, alors on a anticipé. Mais tu bois pas, toi, c'est ça? Ah. Tu le veux quand même? Tu vas peut-être t'y mettre? Quand tu te réveilleras? C'est peut-être pile ce qu'il te faudra, un verre. D'accord? Thomas. Bon. On s'est pas fendu d'une carte. On n'avait pas grand-chose à dire. La plupart se souvenaient pas de qui t'étais. Alors... Je laisse le whisky là. Bonne chance. C'était « Boule » de Mike Bartlett, traduit par Kelly Rivière. Avec Catherine Tartarin, Isobel, Marc Bodnar, Thomas, Fabrice Pierre, Tony, Luc-Antoine Diquero, Carter. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Création sonore et musicale, Dominique Massa. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Juliette Eman. Boule est publié chez Actes Sud Papier.